Chapitre 17e, la dernière attaque. Cependant, Charles de Bourbon avait inutilement tenté tous les moyens pour s'emparer de Marseille. Il avait essayé tour à tour l'artillerie, l'assaut, la sape, la mine, la trahison, mais toutes ces tentatives avaient échoué contre l'intrépidité des habitants, contre la prudence et l'habileté des chefs. Aussi, ses soldats, découragés par la longueur du siège, commençaient-ils à murmurer. Le marquis de Pescaire, jaloux en secret de l'autorité du connétable, le blâmait hautement, désapprouvait tous ses projets et le pressait de lever le siège. Charles était indécis. Son amour-propre soutenait une lutte terrible contre les obstacles sans nombre qu'il rencontrait. Il eut néanmoins cédé aux instances du marquis, mais une sanglante raillerie de ce dernier le détermina à tenter un nouvel assaut pour emporter la place. Il était encore au-delà des monts quand il avait dit à ses troupes « Au premier coup de canon, Marseille m'ouvrira ses portes et me reconnaîtra pour maître. » Et depuis plus d'un mois, il était, sans résultat avantageux, retenu devant ses murs. Retiré momentanément dans sa tente, il se livrait à ses amères pensées quand un bruit étrange suivi de cris de détresse le tire de sa méditation. Il sort promptement et demande quelle est la cause de cette rumeur. « Monseigneur, » répond avec ironie le marquis de Pescaire, en lui montrant un boulet qui venait de tuer à ses côtés deux gentilshommes, « ce sont les consuls de Marseille qui vous envoient les clés de la ville. » Ces paroles jettent le dépit et la rage dans l'âme du connétable. Dès cet instant, son incertitude cesse, une dernière attaque est résolue. Pour exciter le courage de ses soldats et arrêter au besoin leur défection, il leur promet le pillage de Marseille, s'ils parviennent à s'en rendre maîtres, et fait pendre au milieu du camp un officier qui avait osé murmurer tout haut, menaçant du même sort quiconque imiterait son exemple. Alors, officiers et soldats, effrayés du châtiment dont ils sont les témoins et gagnés par les brillantes promesses du chef, se déterminent à combattre. De Bourbon fait changer la batterie qui, dès le commencement du siège, avait été placée près de l'observance et fait pointer les murailles qui touchent à la tour Saint-Paul. De leur côté, les assiégés préparent une vigoureuse défense. Tous les habitants en état de porter les armes se joignent aux combattants. Ils transportent sur les remparts une grande quantité de pots à feu et de fagots enduits de goudron pour les jeter tout enflammés sur les assiégeants. On organise un feu non interrompu d'artillerie sur les endroits les plus élevés de la cité, et sur la tour Saint-Paul, on dispose un canon d'une dimension peu commune, appelé le basilic, qui doit porter sans cesse l'effroi et la mort dans les rangs ennemis. Les batteries des assiégeants, dressés contre les murailles, ouvrirent une large brèche au pied même de la tour Saint-Paul. En vain, Ranzo de Cérès essaye-t-il de la faire promptement réparer et fait jeter une grande quantité de poutres pour embarrasser le passage. En vain place-t-il dans ce poste périlleux ses plus vaillants guerriers. Bourbon se montre à la tête de ses troupes. « Soldats ! » s'écrie-t-il, « vous êtes sous les murs de la ville qui fut soumise par Jules César et ravagée par les Aragonais. Descendants des uns et des autres, ferez-vous moins qu'eux ?» Il dit, et ses soldats électrisés s'élancent sur les échelles. Bientôt les remparts, qui paraissaient hérissés de piques, d'épées et de hallebardes, sont le théâtre d'un affreux carnage. Les premiers guerriers qui sont montés à l'assaut sont précipités des échelles et roulent sanglants et mutilés au pied des murailles. D'autres soldats les remplacent. Ceux-ci tiennent ferme, ils luttent corps à corps avec les assiégés, ils s'entregorgent, c'est partout la mort avec ses horreurs. En ce moment décisif, le pontife de la cité était prosterné au pied du sanctuaire. Tandis que la ville présentait partout l'image du désordre et de la terreur, tandis que les boulets et la mitraille tombaient dans les rues comme une pluie de fer et de feu, et que les combattants disputaient pas à pas le terrain, le pasteur suppliait pour sa ville chérie le Dieu qui donne la victoire aux guerriers. Il monte à l'autel, ouvre le sacré tabernacle, et prenant dans ses mains tremblantes l'hostie divine, il apparaît au sommet de la plus haute des tours de l'abbaye Saint-Victor, revêtu de ses ornements pontificaux et entouré des religieux consternés. Il présente à l'adoration des combattants le Dieu des armées et ne se retire qu'après les avoir bénis. En cet instant solennel, les cloches s'agitent, les canons tonnent, les assiégés prient. Mais les guerriers qui défendent la tour Saint-Paul sont prêts de succomber. Antoine de Glandves, le seigneur de Brion, Charles de Mantoue, tous les vaillants chefs enfin, couverts de sang, entourés de cadavres amoncelés, ont vu périr leurs braves soldats. Leurs efforts désespérés ne font plus que suspendre leur défaite et retarder un moment la prise de la cité. Déjà les ennemis, redoublant d'ardeur et d'audace, faisaient entendre des accents de triomphe auxquels répondit un cri, un seul cri, mais déchirant et terrible. C'était l'écho du désespoir de la ville entière. Tout à coup, debout, sur la brèche, les cheveux épars, le regard en feu, apparaît une femme. Semblable à une vision céleste, elle frappe d'étonnement et d'épouvante les assiégeants. Une épée flamboyante brille dans sa main. Un instant, à elle seule, repousse les efforts de 20 combattants. Cette femme, c'est Aemilienne. Du Puget ne peut plus défendre Marseille, mais elle essaiera de la sauver. Elle est entourée de ses compagnes. Aussitôt, le combat change de face. Les assiégés, animés par ce secours inespéré, reprennent courage. Les Italiens reculent. De Bourbon, honteux d'être repoussé par des femmes, menaçant et terrible, vole de rang en rang, excite, promet, encourage. Mais la confusion est telle que ses efforts demeurent impuissants. Alors, frémissant et furieux, il revient sur ses pas, suivi seulement de quelques soldats généreux et redoutables, et cherche du regard l'héroïne devant laquelle a reculé son armée. Hélas ! Que peut seul le courage contre l'adresse, la fureur et la force ? Bientôt l'indigne mais vaillante épée du guerrier traître à sa patrie menace la noble tête d'Aemilienne. C'en était fait de la fille du gouverneur quand un chevalier, couvert d'une armure éclatante, arrive haletant au lieu du combat. Il s'était fait jour à travers 1000 obstacles, et d'un bond, il avait franchi la distance qui le séparait de la jeune fille. Le connétable n'a plus pour adversaire une faible femme, mais un guerrier fort et terrible comme lui. Il se mesure un moment du regard, puis s'attaque avec impétuosité. Ils se harcèlent et cherchent à s'entre-déchirer comme deux lions irrités qui sont aux prises. En vain, leurs armes étincelantes s'agitent et se heurtent. Le sang ne coule point, ni l'un ni l'autre n'est atteint, on dirait un combat de fantômes. Cependant les Marseillais, secourus par les vaillantes héroïnes, reprennent le dessus. Les échelles des ennemis, entourées d'un rempart de cadavres, sont bientôt vides de soldats. Les bruits du combat semblent s'éteindre. On n'entend plus que les clameurs confuses qui s'élèvent des deux armées. Le connétable, accablé de désespoir en voyant la victoire lui échapper, est resté presque seul, est forcé d'abandonner le guerrier contre lequel il lutte en vain parce qu'ils sont égaux en adresse et en bravoure. Il renonce à un combat sans espoir et quitte les remparts pour rejoindre les siens. Alors, le chevalier qu'une main invisible avait guidé sans doute pour veiller sur les jours menacés de la fille du Viguier, et combattre en face de Bourbon, s'appuie sur un monceau de décombres et d'armes brisées et demeure immobile comme si son cœur eût cessé de battre. Aemilienne court auprès du guerrier qui vient de lui sauver la vie pour le secourir à son tour. À peine a-t-elle aperçu ses traits couverts d'une moite pâleur qu'elle sent ses genoux se dérober sous elle. Ce chevalier, c'était du Puget. Confié, mourant aux soins de Catherine, Guillaume avait bientôt repris ses sens. La mère de Valentin, qu'un premier sentiment de haine avait égaré, restée d'abord impassible et morne auprès du gentilhomme, sentit bientôt comme un éclat de douleur briser son âme. Se souvenant alors de l'affection d'Aemilienne, dernier amour de son cœur, elle avait secouru Guillaume. En apercevant Catherine au lieu de la jeune fille, le chevalier sentit ses souvenirs encore confus s'obscurcir de nouveau. Un moment, il crut n'avoir point quitté sa prison. Jetant ses regards autour de lui, et distinguant les riches tentures qui décoraient l'appartement de Glandevesse, la vérité se fit jour à travers les ténèbres de son esprit. « Où est-elle ? » s'écria-t-il en se relevant inquiet. « Hélas, au combat, monseigneur !» répondit tristement Catherine. À ces mots, le chevalier encore chancelant se relève. Une armure brillante ornait l'appartement du Viguier, il la revêt et s'élance vers la porte. La nourrice veut en vain le retenir, il ne l'entend plus, il oublie et sa blessure et sa faiblesse. Il sort, il vole, et conduit par le bruit qui s'élève du champ de bataille, il arrive à la brèche. Quand le péril qui menaçait la dame de Glandevesse eut disparu, les forces du jeune homme défaillirent. Aussi, sur un ordre d'Aemilienne, se laissa-t-il transporter, sans pouvoir opposer aucune résistance, au palais du gouverneur. Le danger que redoutait l'intrépide cité ne s'était point éloigné sans retour. Les habitants, depuis un instant inactifs, pensaient déjà poursuivre jusque dans leur camp les ennemis qu'ils avaient repoussés. lorsqu'on vint avertir Ranzo de Cérès qu'on avait surpris le bruit incessant et sourd d'un travail souterrain. Ranzo et de Mirabel accourent. Ils semblent interroger tous deux les entrailles de la terre. « C'est une mine !» s'écrie l'ingénieur, et indiquant un vaste monument. « Soldats, abattez le palais » dit-il. À l'instant, mille bras s'acharnent sur la grandiose demeure du pasteur, qui, de même que l'église attenante, ne présente bientôt plus qu'un effrayant monceau de ruines. D'après le conseil de Mirabel, Ranzo ordonne alors de creuser une tranchée profonde au lieu même où gisent les débris du somptueux édifice. Améliane et les dames de Marseille, avides de dévouement, s'emparent des instruments nécessaires et de leurs mains délicates, pendant trois longs jours, déchirent elles-mêmes le sol pour intercepter la mine ennemie. La cité reconnaissante, pour perpétuer la mémoire du secours qu'elle avait si utilement reçu de ses frêles héroïnes, appelle ce travail la tranchée des dames, nom que les siècles nous ont transmis. De nos jours encore, on nomme ce lieu le boulevard des dames. Bourbon, couvert de honte, mais voyant s'évanouir son dernier espoir, se résigne à reprendre le chemin de l'Italie. Bientôt, par son ordre, de grands feux d'herbe sèche s'élèvent du camp, et à la faveur de la fumée épaisse qui enveloppe la ville, les troupes de Charles battent en retraite. Quand la fumée se dissipa, les habitants aperçurent au loin les cohortes décimées du connétable qui s'enfuyaient rapidement, craignant d'être poursuivis. Les dames qui travaillaient aux tranchées s'arrêtèrent. La ville était sauvée. Marseille entière retentit d'un long cri de bonheur et de joie. Seulement alors, la fille du viguier sentit ses forces l'abandonner. Elle tomba épuisée, mourante, dans les bras des dames qui l'entouraient.